tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Les trahisons se perpétuent depuis que Dieu nous a créés. Les faux potes, on peut plus les saquer. Je me méfie de toi si je te connais pas depuis le saqué. Je roule un pour les thunes, mais aussi pour mes proches. Qui fait, tu braques des panais, t'as rien dans les poches. Si je suis le boss, t'es sans taf, je t'embauche. T'accueille sous mon toit, je te laisse les clés de mon Porsche. Cahier, le cahier, je l'ai jeté au fond de la classe. J'en ai gardé, je sache avec j'écrire un classique. Les drômes à Alger, Oran. C'est vite à finir là, y'a pas d'ok, je te le rends. Hier sur ma grève, je représente un pigeon. Toute nationalité, le plaid accueille beaucoup de gens. L'Afrique regorge des filles les plus jolies. Où je vis, plus de Nabila que de Julie. Oh oui, laisse pas les secrets de folie. Telle est pour moi de Ryan B pour tous les chahouis. Amis intimes, ta dream team, les mecs clean qui partageraient leurs derniers centimes. Amitié oseille, ça colle pas. Une bise à ton binôme, ton bras droit, c'est un mec droit, Roya. Qu'est-ce que tu prêt à faire pour moi? Ça mec au braque, rien du tirer, tirer sur moi. Pourtant t'es moins ton mariage, avec qui tu voyages, tu partages les pires et les bons moments. En mode France, va au pays, descend le Raptor, le jet ski, L6, 45, CI 9-4. Ça fait du bien de te sentir bien accueilli à ta sortie du ferry, sur des youyou hystériques. On ma jean, je repère ceux qui grattent. Et même qui s'évapore comme un nuage quand ça se casse. Rap pour mes hâtes, mes amis de longue date. Faut que je pique ma lâche, je vous mets bien sur un séjour inoubliable. Le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a rendurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut, là-haut. Faire des thunes, le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de long rive. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Aïe, je suis allogé, ou à la nouvelle Milano. Risky, on a bougé, l'art de l'IA, Al Pacino. Aïe, je suis allogé.

reason why your eyes is closing. My focus to the sky because just take a look into my eyes and you'll see. Yeah, you need to recognize it, I get it. Comme chaque dimanche soir, c'est sur Skyrock. Pour envoyer des messages aussi, allez-y, hein, 41 759, le hashtag Rise Supreme sur Skyrock. Et pour tout savoir des soirées de DJ Case, c'est maintenant. Eh ouais, les parce soirées, alors. Il y a évidemment le dimanche, là où tu te trouves sur l'antenne de Skyrock. Comme d'habitude. Mais sinon, tu tournes dans la France entière, voire le monde entier. Exactement. Et là, pour le mois, c'est plus la France. Donc, le Monte Cristo, jeudi 18, c'est à Merlebach en première partie. Et en seconde partie, à la discothèque L'Adresse, c'est à Metz. Le vendredi 19, à Lille, à la Cierta. Et le samedi 20, à la Centrale, c'est à Dijon. Voilà. Et ensuite, il y a plein d'autres dates pour la fin du mois. Et le jour de l'an, c'est à Lyon. Ah, pam, pam, pam, voilà. Pam, pam, jour de l'an, alors. Le jour de l'an, c'est à Lyon et la salle Fantasia, voilà. Donc, on vous y attend nombreuses, nombreux. On a l'habitude de le faire à Lyon et cette année encore à Lyon. Ils nous accueillent bien et on est là, on sera là pour les réchauffer, comme ce soir. Donc, le 31 décembre, amis lyonnais, lyonnaises et tous ceux qui seront dans la région, vous retrouverez DJ Case au platine pour faire la fête. Voilà. Au Fantasia. Fantasia, voilà. C'est une grande salle qui se trouve en centre de Lyon et on sera tous là pour. Pour fêter ensemble, ouais, voilà, le et bah pour la nouvelle attaquer, la nouvelle attaquer 2015. Ah oui, attaquer 2015. Déjà. Bon, nous, on va attaquer la deuxième session de mix dans quelques minutes. Ouais, c'est ça. Bougez pas, c'est le retour de DJ Case sur Skyrock. Dimanche soir, minuit une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais comme du

Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Mon copé, Rapé, c'est le son du tiers, mon écoute, on est entre nous. De Rifi à Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. خاطر تلمون الحفل يا

soir. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. بسيرتك الباري مع قلبي وحنني ليك شافوني الناس وانا سارح وامدري جوايا بندهلك تيجي لو سامح تحضني بدفعيني فرحني وقول انا راجع حليلي دنيايا Et c'est la fin de ce Rail Suprême avec DJ Case au platine. DJ Case qu'on retrouvera cette semaine, hein. Tu étais du côté de Metz, je crois. Exactement. Alors jeudi, je suis au Monte Cristo à Merlebach en première partie, en seconde partie à l'adresse à Metz. Vendredi 19 à Lille, à Sirta. Gros big up à nos amis de Lille. Et samedi 20 à Dijon, à la Centrale. Voilà, discothèque. Ça a été un agréable moment à vos côtés. Bonne soirée. On se dit à dimanche prochain. Bonne semaine à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. On a pu le voir à travers les messages. Et on peut te suivre aussi, tiens, les réseaux sociaux. On peut te retrouver sur les adresses. Et c'est ça. Alors, donc, sur la page fan, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la page fan DJ Case DJ espace KAYZ. Et sur Instagram et Twitter, DJ Case Paris. Voilà. Donc, cliquez. Et rendez-vous sur Skyrock la semaine prochaine aussi avec DJ Case au contrôle pour Rail Suprême. D'ici là, passez une bonne semaine. Merci à toi. Merci à vous tous. Et c'est reparti pour le son de Skyrock. Ciao.